Moi, je vais, puisque j'étais annoncé et que je suis arrivé en retard, donc c'est déjà du théâtre, je vais faire deux préliminaires, je vais essayer de les faire très très vite. Le premier, c'est un remerciement à Alain Carrou, parce que c'est avec lui qu'on a commencé à travailler sur ces films. Et si tu ne me les avais pas présentés, je ne sais pas, peut-être que j'aurais continué à passer à côté. Donc, on avait commencé à travailler ensemble, à réfléchir. Hein? 2007. Voilà. Je demandais quand c'était, du coup. Voilà. Et c'est la première chose. C'était un très agréable travail d'équipe. Et puis après, on avait été pris dans un format très court. Hein? Très, très frustrant. On avait écrit, je ne sais pas quoi, quelque chose comme 15 000 caractères. Enfin, c'était très, très, très frustrant. Donc, voilà. J'étais très content de remettre les choses sur le métier. La deuxième chose, c'est que dans le film introductif, je retombe sur l'atelier dans lequel j'ai bossé 4 ans. Et donc, chaque fois que je le repasse, moi aussi, j'ai ma petite Madeleine de Proust, là, qui m'aimait. Elle revient chaque fois, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des gens avec qui j'ai bossé pendant des mois et des mois dans cet atelier qui produisait les tuyaux de pot d'échappement. C'est magnifique. Mais magnifique d'émotion. Ce que je voudrais dire, c'est quand même quelque chose qui me semble là, pour moi, je pense qu'opposer le film fait par les ouvriers et le film d'auteur, c'est passer à côté de la plaque. C'est un film de rencontre. Et je pense que ce qui est vraiment important et intéressant dans toute une série de ces films, parce qu'effectivement, il n'est pas unique, il n'est pas unique à avoir réussi une rencontre, mais c'est de façon générale, dans toute une série de tout un ensemble de productions cinématographiques, il y a cette quête de rencontre. Et après, ce qui est magique avec le cinéma, c'est que chacun prend une option et que cette option est assez pas déterminée, parce que justement, déterminée, ça nous envoie vers des schémas bizarroïdes. Mais c'est assez induit. Il y a une certaine cohérence filée entre les options qu'ils ont prises d'outils pour filmer, de méthodes de montage, de possibilités de montage, hein, parce quelquefois il y a du choix, mais il y a aussi beaucoup de contraintes. Mais dans la rencontre, là, il y a du choix. Et par exemple, entre des gens qui vont à la maison du CE le week-end pour voir la commission jeune de la CGT et les gens qui choisissent la rue, il y a deux options radicalement différentes du rapport d'ouvrier à l'usine. Et moi, ce qui me semble fantastique là, c'est que c'est un des rares films de cette époque-là qui prend une grosse métropole ouvrière par la rue. Et il m'a semblé, moi, et c'est comme ça que j'ai commencé cet article, par le fait que la rue, c'est juste pile entre le bloc et la boîte. C'est-à-dire entre l'endroit où on réside. Il en parle sans arrêt du fait qu'on habite, qu'on est parqué, etc. Et l'usine où on travaille. La rue, c'est une stratégie aussi. Ce n'est pas simplement une opportunité, mais c'est aussi c'est un peu une contrainte, parce que quand on ne veut pas passer par les biais militants, les réseaux militants de là, la rue, c'est presque pratiquement que ce qui reste. Et du coup, ça fait sortir énormément de choses. Ça fait sortir ces Italiens qui disent « Non, la rue, c'est pour draguer », etc. Ça fait sortir donc des discours ouvriers qui sont des discours un peu inintégrables dans les années 75. Et ça ne m'étonne pas, je suis d'accord avec toi, c'est radicalement inintégrable par toutes les structures militantes. Donc ces ouvriers sont quand même très largement co-porteurs du résultat. Oui, Gatti, je vais essayer de continuer, mais après je me tairai. Mais Gatti est énormément auteur et radicalement auteur, radicalement, mais sans eux, ça marche pas. Je sais pas si tu as dit que vous aviez essayé de faire un film français. Bon, d'accord. Ça marchait pas, le film français marchait pas. Donc il y a aussi la rencontre, c'est ça, c'est l'un et l'autre qui fixent leurs conditions. Les Polonais qui disent on va vous subvertir votre film, et ils le subvertissent un petit peu parce qu'il n'est pas content, Gatti, si je me rappelle bien, il n'est pas du tout content du résultat, mais quand même il le fait. Mais il se fait envoyer à la figure des choses qui ne lui plaisent pas du tout. Ton histoire de guerre d'Espagne, ça ne vaut rien du tout. Le premier, ça ne vaut rien du tout, etc. Donc il mobilise un Portugais pour essayer quand même de faire un contrepoids à ce qu'il est envoyé dans la figure et qu'il respecte quand même. Il respecte quand même pas simplement les ouvriers comme objet d'image, comme acceptant d'être des objets d'image, mais il accepte aussi des structures extrêmement fortes de la part de ses ouvriers, y compris collectifs. Et donc, je pense que la question de la rencontre, c'est vraiment essentiel là-dedans. C'est aussi un film d'ouvriers et c'est aussi un film d'auteur. Et c'est aussi un film de monteur. Donc c'est ça qui... Je trouve que ce qui est intéressant, c'est surtout pas d'opposer l'un à l'autre, mais c'est de voir les différentes modalités d'articulation entre ces rencontres à chacun des moments de la fabrication du film. Et voilà. Oui, je peux répondre quand même parce qu'il y a... Et Yves Cohen voulait aussi intervenir sur la même question, en complément de Nicolas. Oui. Je ne remets pas ça en compte. C'est vraiment un film de rencontre. C'est très beau, etc. Simplement, quand on regarde le discours qu'il y a, on le présente. Ce sont eux, immigrés ouest chez Peugeot, ou manœuvres dans le bâtiment, qui ont tiré, véhiculé, écrit, pensé, joué et même dansé le film. Et je trouve qu'il n'y a pas tout ce que vous avez dit, hein, que c'est sur l'aspect rencontre, sur la mise en valeur, etc. Mais je veux dire, c'est un très beau travail de Gabi et de effectivement Stéphane et Hélène. Mais je veux dire que c'est un film, le présenter uniquement comme un film fait par les ouvriers, comme c'est fait habituellement, je trouve que là, Il y a erreur. Il y a limite. Yves Cohen. Ça va, Nicolas,